Deuxièmement, extrait du panégyrique de saint François d'Assise. Si nous voulions monter à l'origine des choses, nous trouverions peut-être que les pauvres n'auraient pas moins de droits que vous aux biens que vous possédez. La nature, ou plutôt, pour parler plus chrétiennement, Dieu, le Père commun des hommes, a donné dès le commencement un droit égal à tous ses enfants sur toutes les choses dont ils ont besoin pour la conservation de leur vie. Aucun de vous ne peut se vanter d'être plus avantageux que les autres dans la nature, mais l'insatiable désir d'amasser n'a pas permis que cette belle fraternité pût durer longtemps dans le monde. Il a fallu venir au partage et à la propriété qui a produit toutes les querelles et tous les procès. De là est né ce mot de « mien » et de « tien », cette parole si froide.